Dans l'histoire métallique de Louis XIV, son génétiaque suscite des interrogations. Il est absent du manuscrit de Londres, qui réunit les projets composés de 1685 à 1694. Il est en revanche le premier traité dans le recueil des procès-verbaux des séances de la Petite Académie, qui s'étend de 1694 à la parution du livre en 1702. Le type, arrêté le 3 avril 1694, est à l'antique. Néanmoins, le 18 décembre 1696, un nouveau type est proposé qui ne sera arrêté que le 13 juillet 1697 après deux autres délibérations. Cette fois, le type est chrétien. Au début du livre de 1702, les deux médailles figurent, mais dans l'ordre inverse de celui où elles ont été arrêtées. Le type chrétien occupe la première place, le type antique est repoussé à la seconde. Cela ne manque pas de surprendre, car dans leur choix esthétique, les académiciens privilégient d'habitude l'antiquité païenne au détriment de tout ce qui soit centraux du christianisme. La surprise se prolonge dans l'édition de 1723, où la médaille païenne est purement et simplement supprimée au profit de sa rivale chrétienne. Nous nous efforcerons ici de résoudre cette énigme. Pourquoi les concepteurs de l'histoire métallique ont-ils décidé de l'ouvrir sur une médaille de goût ostensiblement chrétien, alors qu'ordinairement, ils s'y refusent? Alors, je vais commencer par étudier la médaille de goût antique, qui est donc la première à paraître dans les débats. Le registre journal des délibérations et des assemblées de l'Académie royale des inscriptions, donc manuscrit inédit pour la plupart, conservé par l'Académie des inscriptions et belles lettres, commence par le procès-verbal de la séance du samedi 3 avril 1694, consacré à la médaille de la naissance du roi. Étaient présents la majorité des membres, Charpentier, Félibien, Racine, Despréaux, Boileau, enfin, Toureil, Renaudot et Talmant, secrétaire perpétuel en charge du registre. Le procès-verbal souligne d'abord la concordance entre le début du recueil et le thème traité, double incipit, comme si l'histoire du roi et sa personne se confondaient. Je cite, « On a commencé à tenir un registre, vous l'avez en projection, à tenir un registre journal des délibérations et des assemblées de l'Académie royale des inscriptions par ordre de monsieur de Pontchartrain. Et comme l'histoire de la vie du roi par médaille est la principale occupation de cette compagnie, on a cru ne pouvoir mieux commencer que par la médaille frappée pour sa naissance. » Par une sorte de bienséance qui est aussi un gage de véracité, le commencement du registre correspond au commencement de la vie du monarque. La confection de son histoire semble suivre le déroulement chronologique de son existence. En réalité, les académiciens ne s'astreindront nullement à respecter un tel ordre dans leur séance, les sujets se présentant sans qu'on puisse dire ce qui a déterminé leur choix. À l'évidence, ce n'est pas la chronologie. Il importait néanmoins au début de créer cette impression de concordance entre la vie et l'histoire, concordance qui sera respectée dans le volume publié en 1702. Nous apprenons ensuite que la médaille a déjà été traitée lors de deux séances précédentes au moins. Nulle mention n'en figure pourtant dans le manuscrit de Londres qui recueille les projets antérieurs au début du registre, de manière non exhaustive, il faut bien ici l'admettre. Nous apprenons aussi le nom de celui qui rédigea le texte destiné au livre. Je cite, « On a examiné avec soin la description qui avait été faite par M. Charpentier et qui avait déjà été revue, et enfin, elle a été arrêtée de la manière qu'elle est transcrite ici, au-dessous du dessin de la médaille. » Le dessin est bien présent en ce début de registre. Cela cessera d'être le cas à partir de 1697, où n'apparaissent plus que des cercles vides. Le nom Charpentier surprend ici pour une composition à l'antique. C'est en effet l'un des modernes minoritaires dans l'Académie qui se fait remarquer par des propositions de sujets chrétiens, généralement rejetées par ses confrères, nous venons de le voir. Il est seulement l'auteur de la description, sans qu'on puisse déterminer avec certitude qui fut à l'origine du projet. Le texte arrêté procède en deux temps. Il souligne d'abord l'adéquation du type choisi avec la devise royale. On a suivi dans cette médaille l'idée de la devise du roi dont le soleil est le corps, et on a représenté sa naissance par la figure d'un soleil qui s'élève. Le roi, encore enfant, est assis sur un char élevé au-dessus des nues et tiré par 4 chevaux. Ce char est conduit par la victoire. D'une main, elle lui montre une couronne de laurier, symbole des avantages qu'il doit remporter sur les ennemis de la France. De l'autre main, elle tient les guides des chevaux, comme pour faire connaître qu'elle accompagnera dans toutes ses entreprises. Les mots latins, Hortus Solis Gallici, veulent dire le lever du soleil de la France. Cette première partie de la description se place donc dans une perspective résolument moderne, la devise étant un genre dont les théoriciens contemporains faisaient remonter l'origine au Moyen-Âge, et plus particulièrement au Moyen-Âge français. La faveur accordée à une telle symbolique n'est pas surprenante si l'on considère que l'auteur de la description fut charpentier. La devise solaire de Louis XIV, dont l'invention est attribuée à Duvrier, est bien connue. Elle dispose d'ailleurs d'une médaille dans la série. Alors là, c'est la page du recueil de 1702 sur cette première médaille. Et voilà donc la devise du roi. Mais la pièce dont nous traitons s'inspire aussi d'une source antique révélée seulement dans un second temps. Je cite « Dans le bord de la médaille, on a placé les 12 signes du zodiaque et les 7 planètes en la même position où elles étaient au moment de cette heureuse naissance. Et on a imité en cela plusieurs médailles d'Auguste, où le signe du Capricorne marque la constellation sous laquelle était né cet empereur. Les mots de l'exergue, Septembris quinto ora undecima minutis vigintiduo ante meridiem. Bon, je ne donne pas là. Marque l'année, le jour, l'heure et le moment où le roi est né. 5 septembre, 11h22 minutes avant midi 1638. La façon dont la source antique est mentionnée souligne le caractère augustéen du choix d'une médaille zodiacale. Les monnaies de l'empereur au signe du Capricorne ne sont pas rares. Je vous en ai produit une là, du cabinet des médailles. Hein. Suétone en donne l'explication. Je cite « Auguste eut une si grande confiance dans ses destinées qu'il fit publier son horoscope et frapper des pièces d'argent portant le signe du Capricorne sous lequel il naquit. » On constatera néanmoins que le dessin de la monnaie d'Auguste n'a aucun rapport avec celui de la médaille ici traitée, sinon le caractère astrologique. L'Académie a voulu saluer en Louis, un nouvel Auguste, lieu commun de sa célébration, mais elle oriente sur une fausse piste quant à la source effective de la composition numismatique. Comme l'a montré Jordan Blondel, le modèle est à chercher parmi les médaillons du cabinet royal dont Lorenz Beger publia un album de gravure à Berlin en 1704. Vous avez là la page de titre de cet album. Il s'agit d'une pièce zodiacale émise à Perinthe en Thrace sous l'empereur Sévère Alexandre, 208-235. Le cabinet des médailles en conserve 3 exemplaires en bronze, 2 sont dans un état médiocre, le 3e est très bien conservé. Le voici. Voilà, le voilà. On peut penser que ce fut celui-là même qui inspira les académiciens. L'imitation se révèle extrêmement fidèle. Le pourtour zodiacal identique a seulement pivoté de façon à correspondre au thème astrologique de Louis XIV. Voilà. Je vous ai mis en regard la monnaie zodiacale des collections royales et puis le projet dans le recueil des procès-verbaux. Au centre, Zeus et son inscription ont été supprimés. En bas, les 2 dieux fleuves ont été remplacés par la légende de l'exergue. En haut, la légende circulaire a pris la place de Diane et Apollon sur leur char, ce dernier, Apollon, devenant le sujet central et initiant le cours de la symbolique solaire du roi. Le type d'Apollon au zodiaque dirigeant son char sera repris en gros plan pour la médaille de l'assiduité du roi à ses conseils. Dès la naissance de Louis, les auteurs de Génétiac n'avaient pas manqué de signaler la dominante solaire dans son thème astrologique. Le mythe solaire de Louis XIV était lié à celui du zodiaque. Le texte qui fut finalement retenu pour le livre publié inverse l'ordre du procès-verbal. Il commence par la référence à la médaille de la constellation d'Auguste imité pour celle de Louis XIV, ajoutant une précaution rationaliste, sans rien donner aux chimères de l'astrologie. Il poursuit avec l'évocation de la devise royale, la description du charme de l'Apollon et la traduction des légendes. Il n'est pas impossible que ce renversement des dispositions trahisse une reprise en main par les anciens d'un texte d'abord confié aux soins du moderne charpentier. On retiendra donc l'imitation très fidèle du modèle antique non mentionné dans le procès verbal. Sans doute les académiciens pensèrent-ils que Sévère Alexandre, à Perinthe, malgré la beauté de son médaillon zodiacal, ne suffisait pas à la gloire de Louis XIV, et lui substituèrent-ils le prétexte du Capricorne augustéen, mieux accordé au lieu commun de la célébration royale, même s'il dissimule la source iconographique effectivement utilisée. D'autre part, la modification subie par le plan du texte descriptif, où la devise royale précède d'abord le modèle antique pour lui succéder ensuite, semble trahir les tensions entre anciens et modernes au sein de l'Académie, qui vont aussi se manifester par l'émergence d'une nouvelle proposition de pièce génétiaque. Et je passe maintenant à la médaille de goût chrétien. Les images chrétiennes sont généralement bannies de l'histoire métallique, comme on l'a vu, en raison du respect dû à la religion révélée. Je ne vais pas reciter les deux vers que Jean-Pascal Lassie a cités précédemment de Boileau sur les ornements égayés. C'est pour une telle raison de bienséance que les images antiques se révèlent les plus appropriées aux médailles du roi en concurrence minoritaire avec celles de la modernité profane. Le rigorisme janséniste accorde ici avec l'esthétique à l'antique du mouvement des anciens, dont, rappelons-le, Boileau fut avec Racine l'un des chefs. Lorsqu'une iconographie ouvertement chrétienne est proposée, elle subit généralement un refus. L'un des rares modernes de l'Académie, François Charpentier, est coutumier du fait. Il en est ainsi pour le sacre et pour plusieurs médailles, dont on l'a dit, qui sont proposées et refusées. C'est pourtant une médaille de goût chrétien qui fut adoptée en solution alternative pour la naissance du roi. L'opération se déroula en trois séances. Plus de 2 ans et demi après que la médaille astrologique avait été arrêtée, la compagnie s'avisa qu'il en fallait une autre. Le 18 décembre 1696 étaient présents Charpentier, Racine, Despréaux, Toureil, Renaudot, Dacier, Talmant et Coypel, c'est-à-dire tous ceux qui avaient arrêté la première médaille, Félibien en moins, Dacier et le peintre Coypel en plus. L'initiative de la nouvelle création revint à l'abbé Talmant, qui affirma que, je cite, « sur la naissance du roi, qui est toute miraculeuse puisqu'il a été donné à la France après 23 ans de mariage, on n'avait fait qu'une médaille toute profane ». Et je relis le passage qui a déjà été cité précédemment par Jean-Pascal, où l'on avait l'horoscope ou la position des signes et des planètes au moment de cette naissance. Et dans le milieu, un soleil naissant avec ses paroles, « Hortus solis Gallici », qu'il croyait nécessaire d'en faire une plus sérieuse et plus chrétienne sur un événement aussi grand que celui-là. Pour un cas d'exception, qualifié de miraculeux, l'esthétique à l'antique se révélait donc inadéquate, n'étant pas assez sérieuse. On pense aux ornements égayés de Boileau, et pas assez chrétienne. La grandeur de l'événement imposait à la compagnie d'enfreindre les règles qu'elle s'était imposées et qu'elle respectait d'habitude avec scrupule. Le miracle méritait un traitement approprié. La compagnie approuva donc l'initiative de son secrétaire perpétuel qui proposa aussitôt le projet suivant, je cite, « La France à genoux qui reçoit avec joie un enfant qu'un ange lui apporte » et pour légende, Ludovicus Delphinus Adeodatus. On a trouvé que le dessin était très convenable, et M. Coypel s'est chargé d'y travailler. Mais pour la légende, on a fait quelques difficultés sur le mot Adeodatus. Plusieurs ont dit que ce titre ayant été donné au roi au commencement de son règne, et ayant été changé depuis un très long temps, il n'était pas à propos de le renouveler, et que puisqu'il avait été donné comme un titre en plusieurs ouvrages, il n'était pas à propos de le faire servir à une légende. Monsieur l'abbé Talmant soutenait au contraire que la voie publique l'ayant nommé Dieu donné au commencement de son règne, il fallait en faire quelques mentions et qu'on ne pouvait le faire avec plus de raison que dans cette médaille où il est très vrai de dire que c'est Dieu qui nous l'a donné. La compagnie a néanmoins arrêté qu'il fallait une autre légende. Si le dessin avait été accepté, la légende s'était attirée de critiques. Son caractère contextuel, limité à l'époque de l'enfance du roi, et puis son emploi dans un genre différent de la médaille, celui des livres. L'inadéquation tenait donc au temps et au genre. Une fois les fêtes passées, le 5 janvier 1997, les mêmes étant présents, on revint sur ce point litigieux pour trouver un accord. Je cite « On a reparlé de la légende de la médaille sur la naissance du roi et on a proposé au lieu de Donum de mettre Munus et de se servir du mot inexpectatum que toute la compagnie a approuvé. Monsieur l'abbé Talmant doit envoyer cette médaille à monsieur l'abbé Bignon pour la montrer à monsieur Pontchartrain. » La médaille fut arrêtée 6 mois plus tard, à la séance du 13 juillet 1997. En cette période estivale, n'étaient plus présents que Charpentier, Despréaux, Renaudot, Dacier et Talmant. Dans le registre, le cercle du dessin de la médaille est demeuré vide, comme c'est dorénavant le cas. Il est suivi du texte destiné au livre, dû à la plume de l'abbé Talmant. Je cite « La France, sous le règne de Louis le Juste, voyait triomphant de tous côtés, les hérétiques domptés, la maison d'Autriche humiliée, l'autorité royale rétablie, rendait le royaume aussi heureux que florissant. Mais il manquait au roi un fils qui put lui succéder, et 23 ans d'un mariage stérile lui avait presque ôté l'espérance d'avoir jamais des enfants. Les vœux ardents d'un roi pieux et d'une vertueuse reine furent néanmoins enfin exaucés, la reine devint grosse et mit au monde un prince dont la naissance combla les Français d'une joie d'autant plus grande qu'elle était moins attendue. Ainsi visible présent du ciel fut un gage certain de la protection de Dieu et sembla, dès ce moment, assurer à la France la gloire où elle est parvenue et la félicité dont elle jouit. C'est le sujet de cette médaille. La France est à genoux, tend les bras à un enfant, qu'un ange descendant du ciel lui présente. Les mots de la légende Coelimunus font connaître que ce prince est un véritable présent du ciel. Il y a à l'exergue Ludovicus Delphinus, Louis Dauphin, 1628. On remarquera encore une fois que le registre ne rend pas compte de tous les échanges des académiciens. La légende prévue, qui aurait dû être Munus inexpectatum, est devenue Coelimunus lors de concertations extérieures aux séances dont la trace n'est pas restée. C'est celle qui figure dans le livre. Le texte ayant subi de légères modifications, dont l'origine nous échappe aussi, sera celui du livre de 1702. Il sera de nouveau modifié pour l'édition de 1723, où les corrections simplifieront l'expression et insisteront sur les prospérités intérieures de la France, plus que sur ses triomphes guerriers à l'extérieur. Il faut donc admettre que si l'esthétique générale de l'histoire métallique bannit généralement l'imaginaire chrétien par respect pour les mystères de la vraie religion, dans quelques cas particuliers, cette règle ne fut pas respectée. La naissance du roi en offre un bon exemple. Un type iconographique similaire fut exploité pour la médaille de la naissance du dauphin, mais sans contrevenir à l'esthétique générale de l'histoire métallique. À la place de l'ange paraît l'heureux génie de la France, Felix Galerum Genius. Le texte du livre n'omettant pas de souligner qu'il est traité à la manière des anciens. Le procès-verbal ayant précisé, d'après une description due à Toureil, sous la figure d'un jeune garçon ailé. Voilà. Alors, voilà la naissance du dauphin. Et là, vous voyez, c'est le même, mais c'est pas un ange, c'est le génie de la France. Donc, il est devenu acceptable. Alors, on a trois compositions. Le dessin du registre que vous avez ici, la gravure du livre que vous avez là, et puis une gravure exécutée par Sébastien Leclerc. Dans les deux premières, le génie s'avance de profil, non sans rappeler l'ange de la naissance de Louis XIV, mais Sébastien Leclerc a immobilisé l'ange de face. Dans les deux dernières, des fleurs de lys sont non seulement semées sur la toilette du dauphin, mais aussi plantée dans le sol. Et fort pour joindre l'imaginaire de la monarchie très chrétienne à celui de l'antiquité païenne. Dans cette composition simplifiée, la France est absente. On pense à un type pontifical possible. La médaille qu'Innocent IX fit frapper en 1591 à l'occasion de son couronnement. Je vous la montre. À défaut d'héritier du trône, et pour cause, elle montre un ange apportant la tiare. Très belle médaille, d'ailleurs. Nous sommes d'accord avec Inès. Quand je la remercie, j'ai photographié ça au cabinet des médailles, et c'est une très belle médaille. Bien, mais dans une troisième partie de cette étude, je voudrais proposer l'hypothèse d'un maillon manquant dans la chaîne d'élaboration de la médaille dont nous traitons, c'est l'ex voto de 1642. Dans leur longue attente d'un héritier au trône, Louis XIII et Anne d'Autriche avaient sollicité les secours de la Vierge et de l'enfant Jésus, particulièrement honoré dans les Carmels. Ils avaient adressé des vœux, notamment à la Madone de Lorette, que la dynastie vénérait par tradition. Et là, je renvoie au livre d'Yves-Marie Berset sur Lorette, et puis au récent article de Daniela Del Pesco dans le colloque Mazarin. En 1642, 4 ans après la naissance du roi, ils décidèrent d'offrir à ce sanctuaire un ex-voto dont la somptuosité témoignait de leur gratitude. Paul Fréard de Chanteloup fut chargé de la mission. Le détail en est donné par Antonio Gerardi dans la partie finale d'un opuscule Paris paru en 1643 où il rend compte des fêtes données à Rome à l'occasion de la naissance. Le convoi partit de Paris le 25 octobre 1642 pour débarquer à Civitavecchia le 20 janvier 1643. L'ex-voto fut déposé au palais du cardinal Mazarin, voisin de celui du Quirinal. Donc, il put être vénéré pendant plusieurs jours à Rome. Et cet ex-voto avait été sculpté par Sarrazin et fondu par Perlan. Il représentait un ange grandeur nature en argent massif dans l'acte d'offrir à la Sainte Vierge le dauphin nouveau-né en or massif. L'événement de portée internationale fut noté par le diariste Giacinto Gilli, ainsi que par les auteurs des Visi. Gilli offre plusieurs détails supplémentaires. L'enfant repose sur un coussin. Un diamant orne l'une des couronnes. 2 dauphins d'or s'ajoutent. Il estime le tout à 100 000 écus et il considère que les livres de l'imprime royale qui accompagnaient l'ex-voto dépassent la valeur de l'ex-voto. Il ajoute que le don des livres se fit au pape, mais aussi en double au cardinal neveu Antonio Barberini, celui qui avait lancé la carrière de Mazarin. Bien. Postérieurement à la remise de l'ex-voto, 2 opuscules incluant sa relation parurent à Paris. En 1646, Honoré Bouche, prévôt de Saint-Jacques et docteur en théologie, publie « La Sainte Vierge de Lorette », voici le frontispice. Et là, vous voyez l'ex-voto, c'est la seule représentation, parce que l'ex-voto a disparu quand les armées napoléoniennes ont envahi l'Italie. Bon, c'est pas ce qui est devenu, mais on en a gardé une figuration. La voici. Donc ça, c'est dans le volume 2, Honoré Bouche. Et puis en 1665, Nicolas de Bragnon, prêtre de l'oratoire, fait à son tour paraître un ouvrage sur le même sujet, et il fait une copie du frontispice, l'histoire de Notre-Dame de Lorette. Donc là, vous avez l'original et la copie, et vous retrouvez cet ex-voto. Bralion présente l'ex-voto en ces termes. Mais, entre tous les magnifiques présents faits à la Sainte Vierge de Lorette, celui qui nous doit être le plus considérable est celui qui fut fait pour action de grâce de la miraculeuse naissance de notre grand roi Louis Dieudonné, à présent régnant par le feu roi Louis le Juste, d'heureuse mémoire, son père, et la pieuse reine Anne d'Autriche, sa mère. Bien. Ici, Bralion n'hésite pas à utiliser Dieudonné, à la différence des membres de l'Académie. Et voici comment est décrit l'ex-voto. Il y avait un ange d'argent massif de 6 palmes de hauteur, mesure de Lorette. Il est incliné à la posture d'un homme qui offre un présent, avec un grand respect, le genou à demi ployé, ainsi qu'il est représenté en l'image qui est au commencement de ce livre, et tient la figure du roi, alors dauphin, d'or massif de 2 palmes de longueur, couché sur un coussin d'argent massif. Bien. Une 50aine d'années sépare l'ex-voto de Lorette de la médaille de la naissance du roi. Louis XIV avait 4 ans. Au moment où la mission de Chanteloup fut envoyée à Rome puis à Lorette. Mais l'événement avait dû marquer la mémoire des Français. Sa description fut publiée en 1646 et de nouveau en 1665. Même si la référence ne figure ni dans les procès-verbaux des séances, ni dans le texte descriptif de 1702, il paraît évident que l'ex-voto inspira le type numismatique enregistré par l'abbé Talmant. Il suffit de comparer le frontispice que nous venons de voir et la médaille. Dans les deux cas, un ange à gauche apporte l'enfant sur un coussin vers la figure placée sur la droite. Certes, on ne peut ignorer certaines différences. Dans le premier cas, l'ange est dominé par la statue de la Vierge. Dans le second, il descend du ciel vers la France agenouillée. Mais les deux compositions sont semblables. Hein. Simplement, la France a remplacé la Sainte Vierge. La mise en scène de la Santa Casa de Lorette annonce celle de la première médaille de l'histoire métallique de Louis XIV. Arrêtons-nous un instant, je termine, un instant sur la figure de l'ange. L'opuscule de Gherardi décrit les différentes festivités données à Rome pour la naissance du roi. Sur la place, devant Saint-Louis des Français, une machine allégorique à feu d'artifice montrait ceci. Je cite, « Un ange tutélaire de la France, que l'on voyait suspendu en l'air, tenant les armes de ce royaume d'une main et de l'autre une trompette, comme s'il entonnait ces mots qui se voyaient écrits en grandes lettres. Justus germinabit sicut lilium, un extrait biblique, ce qui veut dire le juste fleurira comme un lys. Cet ange tutélaire se confond ici avec le support traditionnel des armoiries de la France, mais il avait joui indépendamment de celle-ci d'un certain succès dans la propagande des ministres de l'absolutisme. Je vous renvoie à mon livre sur Mazarin où l'ange tutélaire de la France est, qui à mon avis est dérivé du support des armoiries aux trois lys de France, et assez souvent exploité. Bien, alors, je conclue. Comme pour toutes les pièces de l'histoire métallique, une grande partie du processus d'élaboration des deux médailles de la naissance du roi nous échappe. Les procès-verbaux des séances et les textes explicatifs du livre ne nous offrent que l'aboutissement d'un travail dont les traces ne sont pas demeurées. La médaille zodiacale se donne comme augustéenne, alors que son modèle, très fidèlement suivi, est à Perinthe sous Sévère Alexandre, comme le révèlent les médaillons du cabinet royal. La médaille chrétienne pourrait paraître de prime abord une invention de la petite académie, mais celle-ci répugne ordinairement à exploiter ce genre d'imaginaire, et son choix ne s'explique que par une source religieuse qui nous renvoie aux premières années du règne et à la mission de Paul Fréard de Chanteloup, l'ex-voto de Lorette. En démentant son esthétique dominante, la compagnie établissait un parallèle entre la sculpture et la numismatique. Elle faisait le lien avec la propagande internationale des débuts du règne. Elle s'inscrivait dans la continuité de la symbolique royale, ainsi que dans l'émergence d'une nouvelle conception de l'enfance, appréciée et non plus méprisée. On est évidemment à un moment charnière où la conception de l'enfance change totalement, et c'est aussi le moment où apparaît la mode des contes de fées. Voilà, je vous remercie.